monsieur le professeur. Monsieur le professeur, je vous présente monsieur le comte Enguerrand de Montignac. Monsieur le professeur Mortemont, un des plus grands dermatologues de France. Le plus grand de France. Oh, excusez-moi, monsieur le professeur. Excusez-moi. Bon, monsieur le comte, je dois vous expertiser. Oui, mais non, c'est pas moi le comte. C'est monsieur le comte, c'est monsieur le comte, là. Expertiser quoi? Non, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est rien. Non. Si je comprends bien, vous avez vendu par l'entremise de monsieur... Non, mais expertiser quoi? Non, c'est rien, c'est rien, vous ne occupez pas. Je dis, hein? Vous avez vendu par l'entremise de monsieur le tatouage de votre dos en viager au musée de Boston. Bah, c'est exact. Mais pourquoi une expertise? Pour rien. Mais vous avez un tatouage dans le dos. Ah, ça va pas recommencer, non? Mais si, vous avez un tatouage dans le dos. Mais oui, j'ai un tatouage dans le dos, mais c'est pas un dos pour avoir une expertise. Parce que c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Si, c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, je vais vous examiner. Mais non, c'est pas moi, c'est à moi de vous faire examiner. Non, mais pas l'expertise. Attends, vous avez signé. Oui, j'ai signé. Alors, mais... Attention. Il vous touche pas. Attention, c'est pas obligatoire. Il vous touchera qu'avec les yeux. Ah, allons, docteur! Il y a le musée n'a pas d'inquiétude à avoir. Aucun urticaire, aucune mycose, pas d'allergie qui puisse altérer le tatouage, la peau est parfaite. Très bien. Vous voyez qu'une expertise était nécessaire. Non. Si, non, vous allez câbler ça tout de suite au musée de Boston. Hein. Tout de suite, mais... Ouais, mais... Il y a toujours un mais. Non, rien de grave. Quel sport pratiquez-vous? La guerre, pendant 25 ans. Ah, et quand la paix éclate, l'homme gonfle. Le comte était très musclé, l'inactivité, voyez-vous, lui donne... De la cellulite. Ah, donc vous êtes comme ma femme. Vous voulez la voir avec votre femme? Si. Non, mais non, je maintiens que l'expertise n'était pas obligatoire. Mais si. Ah non. Mais si. Non. Mais enfin, si. Écoutez, alors, si l'embonpoint devait s'accentuer, il pourrait y avoir une tension de la peau qui provoquerait une distorsion du tatouage. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu régimes. Ah, ça jamais. Alors, faut faire du sport. Comment? Qu'est-ce que vous racontez? Non, je dis que ce serait peut-être un peu difficile pour vous. Mais jeune homme, ma condition physique me permet encore de faire du sport. Mais je ne fais que dans le sport noble. Et je suis même prêt à vous lancer un défi. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. On va y aller. Eh ben, mais quand vous voulez. Qu'est-ce que vous avez à vous gratter comme ça? C'est nerveux. Il va falloir un psychiatre, docteur. Non. Non, pas tout de suite, merci.